du mat, j'ai déjà trop chaud. Ça fait déjà trois plombs qu'un vol de tempo me martèle le cerveau. Je comprends que j'ai dormi dans le métro. J'ai oublié l'espace un instant, ce qu'était le caniveau. Sous mon nez, un paysage s'étend. Telle une brume épaisse courant avec l'air du temps. Elle m'enroule, me caresse en attendant. Je te regarde avec tendresse sortir de ta longue nuit d'ivresse. Tu te lèves, je te suis, tu m'enlèves de la suite. Ça m'étonne car d'habitude tu préfères me voir sali. Pas un mot, juste un rouge de sang froid. Loin de moi, qu'as-tu prévu de faire de moi? Ton pote de galère, une grande maison, du carrelage blanc, plein de prisons, des taches de sang. La trahison, la mort, je sens un sentiment peu réjouissant. Y'a des lapins qui se travestissent et plein de chats qui sentent la pisse. Qu'est-ce que je fous là? Sors-moi de là, je t'en supplie, je te vois plus, vois sans issue. Abandonné par toi, je me sais foutu. Je me sais foutu. What you say, what you say, don't forget me. What you say, try to remember me. What you say, don't forget me. What you say, try to remember me. What you say, don't forget me. What you say, try to remember me. What you say, don't forget me. What you say, try to remember me. What you say. T'as voulu me voir crever pour des produits à tester. Pour une poignée de dollars, c'est mon corps qu'ils sont en train de disséquer. J'ai pas eu la chance de naître humain comme toi avec deux pieds. À quatre pattes, je marche en vain et le cours de ma vie s'en retrouve dévalué. 10 euros je vaux et à tes yeux c'est moins que le caniveau. Dans lequel plein de tissus de vautre vomit ta grosse gerbe de saoul. La petite vie tu m'as pris et la haine des hommes j'ai appris. Y'a trop de rage en moi pour oublier ce qui la viendra de toi. Je te retrouverai, le ciel et la mer je retournerai. Pour te faire payer le fait que ma tête a vendu sans vergogne pour des tasses, faisant de toi une belle charogne. T'as préféré ta vie d'ivrogne et tourné pour ta belle petite poigne. Tu m'as tué pour un paquet de pognon, moi qui étais ton plus fidèle compagnon, t'inquiète que le remords rongera ton âme jusqu'au trognon. Surtout mon pote, n'oublie jamais, au grand jamais, ce qu'a été mon putain de prénom. What you say, don't forget me. What you say, don't forget me. What you say, try to remember me. What you say, don't forget me. What you say, try to remember me. What you say, don't forget me. What you say, try to remember me. What you say. What you say, what you say. What you say, what you say. What you say, try to remember me.